pourquoi les francs-maçons furent victimes de la théorie du complot. Née à Londres, au début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a rapidement fait des émules dans les principaux pays d'Europe. Il ne s'agissait pas d'une société secrète, comme il en existait déjà plusieurs à l'époque, mais d'un réseau de sociabilité regroupant des aristocrates, des artistes, des scientifiques, des artisans, partageant le même but. Il voulait œuvrer à la construction d'un temple idéal, c'est-à-dire d'une société rationnelle, rassemblant des individus libres, égaux et éclairés. Soucieux de se tenir à distance des passions et des intérêts du monde dans lequel ils vivaient, les francs-maçons imposaient à leurs membres un devoir de réserve en cultivant d'emblée des rituels perçus comme ésotériques par les non-initiés. La franc-maçonnerie fut condamnée par le pape Clément XII. Ce qui déclencha une vague de persécution dans les pays européens les plus soumis à l'autorité de Rome. En France, malgré quelques condamnations à des peines légères, les francs-maçons continuèrent à se réunir, sous la protection de personnalités de la haute noblesse, comme le duc d'Antin. Voilà pourquoi, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie française fut principalement composée de catholiques. La Révolution française marqua une première étape dans l'histoire du divorce entre maçons et chrétiens. C'est à ce moment-là que les jésuites publièrent les premiers écrits affirmant que les francs-maçons avaient activement préparé la Révolution de 1789, ce qui accrédita l'idée d'un complot maçonnique. Au XIXe siècle, un nombre croissant de francs-maçons s'engagèrent dans les mouvements révolutionnaires. En 1848, tous les membres du gouvernement provisoire, mis en place après le renversement de Louis-Philippe, étaient francs-maçons, à l'exception de Lamartine et de Ledru-Rollin. En 1871, beaucoup d'entre eux s'impliquèrent aussi dans la Commune de Paris. Mais comme Jules Ferry, l'un des fondateurs de la Troisième République, était lui-même membre d'une loge maçonnique, la confrérie apporta officiellement son soutien au nouveau régime républicain et à sa politique anticléricale. Jusqu'à la fin des années 1930, les francs-maçons s'engagèrent fortement dans les combats pour la laïcité, ce qui explique qu'ils furent l'une des principales cibles de l'Action française qui rêvait d'abattre la République pour rétablir une monarchie chrétienne. La défaite de 1940 fut présentée par l'extrême droite comme la conséquence d'un complot de l'anti-France organisé par les juifs et les maçons. Sous le régime de Vichy, l'antimaçonnisme devint la doctrine officielle de l'État français. Le 11 août 1941, le maréchal Pétain décréta que les noms des francs-maçons seraient rendus publics et que, conformément à la loi sur le statut des Juifs adoptée le 3 octobre 1940, l'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats seraient interdits à tous les anciens dignitaires de la franc-maçonnerie. Les fonctionnaires, agents civils ou militaires, atteints par ces dispositions, seraient déclarés démissionnaires d'office. La théorie du complot anti-maçonnique, largement diffusée dans l'opinion par la presse, aboutit au pillage des temples, de la confrérie et à la confiscation de leurs archives.